eu sonhei com um anjo feito só pra mim. Quem vai dizer pra onde a gente vai quando acaba o amor? Se tudo terminou, suas asas vão me proteger. E quando a noite chega aqui, eu deito pra pensar na luz que se perdeu. Um anjo vem me beijar e o seu amor. Muito bom dia amigos ouvintes. Quem estou convosco novamente para o novo programa Cristina Portugal no Coração. Trouxe o solinho, boa disposição, muita música, um momento agradável com vocês e isto tudo que eu trouxe para esta manhã. Uma convidada, e sim, claro, tem que se voltar cá. Muito obrigada a vocês de estarem do outro lado e de sempre sintonizar a nossa rádio, onde vocês nos podem ouvir através do 96.2 da banda FM, mas também através do site da nossa rádio, radio-arcancel.fr. Isto é muito importante porque podemos ir para todos os lados. Escutador nas orelhas e opa, música a fundo. Pois, claro que sim. Tudo bem? Está mesmo? Tem que ser, não é? Claro que sim, senhora. Música, e muita boa música nesta manhã, então de sábado 29 de maio, já são 9:08, e cá estão então para animar este programa e dar-vos o melhor da música, sim senhora. Precisamos de alegrar nossos corações e cá estou para isso. Não é assim, gente? Claro, vamos a isto. E também podem participar através do telefone 0238-434800. As mensagens através do Facebook Cristina Portugal no Coração. E cá estou, sim senhora. Música? Claro que vai ser. Estava-nos com os KLB, um anjo. Aquela música dos Angels. Não era? Claro que sim. Música. E eu sei que as estrelas sempre vão brilhar. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A sintonia de Portugal. E esta vem especialmente para a minha mamã, que está do outro lado, de certeza já a ouvir. Mãe querida, e para todas aquelas, todas as mamãs que estão à escuta também, claro, amanhã, festa das mães. Amor na vida, igual ao amor de mãe. Feliz de quem possa dizer que tem ainda quem lhe dê um ser. Feliz de quem possa contar abraço pra se aconchegar. Graças a Deus que tenho ainda carinhos teus, minha mãe querida. O teu consolo, compreensão, tuas palavras cheias de razão. Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem. Não há outro amor na vida igual ao amor de mãe. Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente. Todos os dias sem ninguém esquecer. Santa Mãezinha, nossa alegria, abençoado o teu nome, Maria. Nunca na vida, por coisa alguma, eu vou esquecer que mãe há só uma. Feliz quem ouça dizer que ainda tem. Ficamos com Hey Baby dos Albatroz. Isto é para mexer o corpinho todo de manhã, para despertar bem despertadinhos ou para levantar música. Fico louca. sabor do teu beijo. Quem eu amo e não me ama. E

se ponga. Si no te importa, lo hacemos en la mesa. Te garantizo que esta noche viene la cabeza. Vamos a repasar las posiciones. Tú vente cubano, ¿cómo se pone? Talía. Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé. Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro de este corazón violento. Hagámoslo otra vez, que no lo después. Dale como es, empieza por los pies. Pero lento, lento, lento, sin pena ni tormento. Agárrame otra vez, que no lo después. Dale como es, empieza por los pies. Como dice. Pero lento, lento, lento, sin ganas. Uno, seguida ficamos na voz do Escapa, Não Quero Mais. Nós também não queremos mais, mas vamos continuar. Música. Nunca mais voltarei a sofrer. Fiz de tudo para te ver feliz. Já não quero voltar a viver aquilo que por ti sofri. Não quero mais saber de ti. Quero encontrar uma nova paixão. Não quero mais já desistir. O que vivemos foi uma ilusão. Não quero mais viver assim. Tenho a vida que espera por mim. Não quero mais sofrer assim. Já não sinto mais nada por ti. Já não quero mais. Eu não quero mais ver teu olhar. Já não és a mulher que eu amei. Tudo aquilo que fiz por te amar. Os momentos que por ti chorei. Não quero mais saber de ti. Quero encontrar uma nova paixão. Não quero mais já desistir. O que vivemos foi uma ilusão. Não quero mais viver assim. Tenho a vida que espera por mim. Não quero mais sofrer assim. Já não sinto mais nada por ti. Já não quero mais. Porque eu já te esqueci. Não quero mais viver assim. Tenho a vida que espera por mim. Não quero mais sofrer assim. Já não sinto mais nada por ti. Já não quero mais. Appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Claro, e cá estou, sim senhora, mais uma do Escapa, mas desta vez são elas, porque tu e eu. Agora estou aqui. vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Às vezes fazes de propósito, eu sei. Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém. Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Às vezes fazes de propósito, eu sei. Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém. Sei que às vezes eu não estou do teu lado, ok. E não te ligo por estar muito ocupado, tá bem. Tu não mereces ou deixar-te nesse estado, eu sei. Desculpa não ser esse príncipe encantado. Quando não respondo, não sei porque é que me escondo. Sabes que sou teu, mas queres um romance apertado. Às vezes é um sufoco, outras vezes fico louco e dizes: não tens razão para te sentir enganado. Sei que me contas coisas que não contas a mais ninguém. Perguntamos ao tempo por quanto tempo o tempo tem. Passam horas, dias, choras. Sei que está tudo errado, dizes: não vá embora, fica mais um bocado. Fico sempre por perto, por mais voltas que dês. Tu sabes que eu não me apego, depois vejo com porquês. Imaginas essas histórias tipo era uma vez. Baby, eu sou a folha em branco dos romances que lês. Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Às vezes fazes de propósito, eu sei. Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém. Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Às vezes fazes de propósito, eu sei. Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém. Que me queres e preferes aos outros que tu tens. Eu sei que é difícil quando o clima é propício. Controlas esse teu vício, tens por mim desde o início. Ok, eu quero e faço por isso. E tu queres um compromisso. E eu sou mais de improviso. E tu só queres ficar bem. E ficas doida comigo, porque tens noção do perigo. Mas eu não sei se consigo dar-te tudo o que tenho. Sabes que te quero, embora seja às vezes. Tento ser sincero, só que tu não me entendes. Não tenho culpa, mas não sinto o que tu sentes. Hoje ficas cá em casa uma vez, não são vezes. Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Às vezes fazes de propósito, eu sei. Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém. Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Às vezes fazes de propósito, eu sei. Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém. Cora, que eu não digo a ninguém. Fica, que eu não digo a ninguém. Podes fazer o que quiseres, que eu não digo a ninguém. Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Às vezes fazes de propósito, eu sei. Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém. Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Às vezes fazes de propósito, eu sei. Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém. Le 30 mai sera une journée spéciale. Pensez à vos mamans, et offrez-lui une petite douceur du pays du soleil. Les établissements Mariano vous garantissent plein de surprises pour enchanter vos mamans. Venez nous rendre visite au 1 rue de l'Orme Gâteau à Semois. Vous y trouverez le cadeau idéal pour cette occasion. Le groupe Mariano souhaite une très bonne fête des mamans à toutes les mamans. Foram tantas situações que só nos causaram dor. Só mentiras, traições machucou o nosso amor. Mas como posso esquecer de você? Como o rio quer o mar. Eu te amo e te espero como a noite quer o ar. banana. Fica tão docinha que a tua cola abana. Como um macaco gosta de banana, eu gosto de ti. Escondi um cacho debaixo da cama e comi. Minha macaca gira e bacana, o teu focinho é que não me engana. Pois a macaca gosta de banana, tu gostas de mim. Um orangotango transformou um tango no rock. É a nova moda que põe Portugal em amok. Quem foi ao ataque foi um chimpanzé e um saguinho. Minha macaquinha estão apanhadinhos por ti. Como um macaco gosta de banana, eu gosto de ti. Escondi um cacho debaixo da cama e comi. Minha macaca gira e bacana, o teu focinho é que não me engana. Pois a macaca gosta de banana, tu gostas de mim. Mas no meu deserto tu foste o oásis que achei. Tu ficas louquinha quando tiro a casca a banana. Ficas tão tontinha que a tua cauda abana. Como um macaco gosta de banana, eu gosto de ti. Escondi um cacho debaixo da cama e comi. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue dans nos programmes. Amar. Eu já amei, eu já beijei, já transei, já fiquei, abracei e quebrei. Muitas paixões vivi, mas nunca senti este amor como o teu. É novidade para o meu eu. O teu beijo não é só beijo, mas reanima. O teu abraço não é só abraço, mas anima. Quando transo contigo algo que dá vida, pois nasce um novo eu. O teu toque não é só toque, mas é carinho. O teu olhar não é só olhar, mas é mimo. O teu corpo não é só corpo, mas é meu ninho. Mulher, és perfeição. Vem-me beliscar que eu estou a sonhar. Está difícil de acreditar. Que és real, que és real, que és real, mulher. Ajuda na pobreza e que me cuida na doença. Mulher de sacrifícios, é uma bênção essa mulher na minha vida. Ela não é normal, ela é divina. Ela é a razão que deixa e ama a vida. Sim, o teu beijo não é só beijo, mas reanima. O teu abraço não é só abraço, mas anima. Quando transo contigo algo que dá vida, pois nasce um novo eu. O teu toque não é só toque, mas é carinho. O teu olhar não é só olhar, mas é mimo. O teu corpo não é só corpo, mas é meu ninho. Mulher, és perfeição. Vem-me beliscar que eu estou a sonhar. Está difícil de acreditar. Que és real, que és real. Por perto, eu quero te fazer a mim.

à remercier tous ceux qui ont contribué aux travaux d'amélioration des locaux de la radio. C'est grâce à l'implication et au bon vouloir de chacun d'eux que la radio s'est rajeunie. Un grand merci à l'entreprise Emilio Diaz Électricité Générale à Olivet, l'entreprise JR Service Franck Roux à Saran, l'entreprise DPI Sécurité Patrick Denisot à Blois, SE3P Gérard Berthaud, Société Enduit et Pose Plaque Plâtre à Maraud-Auprès, l'entreprise Baticasa 45 Patrick Intunge, Maçonnerie Rénovation Clôture à Orléans. Point B, matériaux à Ingrid. Carrelage Roger à Orléans. La société Calinette Nettoyage, Manuel Villageboros à Ingrid. Obre Génial, application de pavimento et Penafiel. L'entreprise Albert Coelho à Orne. L'entreprise Seattle à Olivet. SARL, Aurélec, Bernardino Azevedo, plomberie à Orléans. L'entreprise Balza Rénovation Peinture Balza Thomas à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Grani Neiva Industria de Granitos, Sinalia Neiva Antas Exposin. Um beijo, um muito obrigado a todos, um grande merci a todos. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Et la vie est belle sur Arc-en-Ciel, et claro que vamos continuar com a boa música portuguesa. Desta vez, vamos até Portugal, mas não é em português. Eu bem sei que muitos de vocês e de nós todos não gostamos muito, mas foi uma lindíssima música que representou Portugal na Eurovisão 2021. Fala-se de amor. Pois é. Love is on my side. L'amour est de mon côté. Era bonito, sim senhora. E foram os Black Mamba que cantaram na voz de Portugal e, salvo erro, ficaram em 12º lugar. A França em 2º lugar e Itália em 1º. Mas vamos ouvir os Black Mamba, que foram os que ganharam, então, os que representaram Portugal. Lindíssima voz, sim senhora. Pena ser em inglês para representar Portugal, mas apesar disso, um grupo excepcional. Eu adoro, sinceramente, e lindíssima, bem cantada esta música dos The Black Mamba. Love is my side. Música. I left home when I was only sweet 16. Chasing blind love and a bunch of broken dreams. I don't know how I thought I could do anything, and somehow I end up here. I don't know why. I still believe that love is on my side. Love is on. Rain. I can feel it still running through my veins. I ran so fast I couldn't even crawl. I forgot. Love is on

mais quente soprou, puxou-nos para a arrebentação. Já está feita a digestão, vou mergulhar. Voltamos para a toalha secar, contemplo a lenta evaporação e o sal que surge na tua pele para temperar. E a maré só bem brando vai e vem a borbulhar. E ao entardecer, o sol mergulha em languidez. Fim de dia, calmo e moreno, o céu laranja em degradê. E eu dava tudo para ficar aqui, ao longe um som e bola de Berlim. Com os pés plantados sobre a areia fina, à beira-mar. Tudo para ficar aqui e não ter que trabalhar. Eu dava tudo para viver assim, ao lanche um sumo e bola de Berlim. Com os pés pontados de uma areia fina à beira-mar. Eu dava tudo para ficar aqui e não ter que trabalhar. Claro que vimos de ouvir a voz do Beato à beira-mar. À beira-mar, muito sonhámos muitas vezes de ir até lá, mas vamos esperar mais um bocadinho. E agora ficámos naquela música que Sara Carreira tinha deixado, Leva-me a Viajar. Música. Deixar

fazer amor. Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor. Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor. Mãos por cima, mexendo a cintura. Dança comigo, dança comigo. Mãos por cima, mexendo a cintura. Dança comigo, dança comigo. Mãos por cima, mexendo a cintura. Dança comigo, dança comigo. Eu não dou mole, não, eu não dou mole, não. Ela vai ver que o caipira tem pressão. Eu não dou mole, não, eu jogo ela nos meus braços. Gruda ela no peito e tá feito um regaço. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor. Eduardo Costa, Sapequinha. De seguida vamos ficar com Nininho Vaz. Nininho Vaz, que canta com o Nininho Vaz Maia e Cristiano Maia, que canta então com o seu filhote. Sim, senhor, é uma lindíssima música cantada por eles os dois. E, na verdade, música que saiu há pouco tempo, mas música que encantou enormemente Portugal, porque Nininho, por acaso, é uma lindíssima voz que está a encantar. Pai e filho que cantam os dois, Cristiano Maia, e então Nininho Vaz Maia com Gosto de Ti. Música. Música, música. Logo pelo acordar, saudades do meu tano, saudades me vai matar. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades da minha nora. Volto-me doido a chorar. E vem a noite, espero pelo vosso olhar. Sinto a vossa presença, me fazem acreditar. Ai, eu gosto de ti, e eu gosto de ti. Deus sabe que é verdade. E eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti. Deus sabe que é verdade. E eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti. Deus sabe que é verdade. Saudades do meu pai, saudades. esta canção que eu fiz estava a improvisar. Não é para toda a gente, mas agradeço a quem vai gostar. Será que o mundo tem um lugar para mim? Eu nunca soube bem o que me trouxe aqui. Hoje eu sei, foi o sonho que encontrei à procura de mim. Então sonha além do que consegues ver. Eu sei que tu és bem. Já acredito em mim e na razão do meu viver. Hoje eu sei, foi o sonho que encontrei à procura de mim. Então sonha. Camões, amo o nosso fado, o bombinho, as tradições. Como um português, sou conquistador. Nas minhas batalhas sempre fui um vencedor. E se tu és português, grita comigo. Oh, oh, oh, oh, oh. E se tu és português, grita comigo. Oh, oh, oh, oh, oh. Eu sou português. Tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. Por onde passo, levo a nossa terra. tradição. Sou português, digo com o coração. Fico feliz por poder dizer que Portugal foi quem me viu nascer. E se tu és português, grita comigo. Oh, oh, oh, oh, oh. E se tu és português, grita comigo. Oh, oh, oh, oh. Eu sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. Eu sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. Eu sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. Ricardo Nunes, sou português, somos portugueses, sim senhora. Desta vez vamos ficar com, vamos ir um bocadinho, eu de vez em quando gosto de ir ao fundo da caixa e esta é Canta, Canta Minha Gente. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de moleque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem tirando ao frevo, o coco, machixe, baiano e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonito. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Seus males espanta lá em cima do muro, samba no asfalto. Eu canto um samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que De ouvir esta lindíssima música de Ana Moura, As Andorinhas. De seguida vamos ficar com a voz de Paula Soares. Te Quero, seu novo, um dos seus últimos trabalhos, brevemente mais um, e desde já muito obrigada, porque Paula Soares, que tem o seu estúdio de gravamento da Lala Records, onde nos ofereceram o spot publicitário que foi feito ultimamente, e não nos esquecemos deste gesto e desta prendinha que para a rádio é muitíssimo importante. Te Quero! Paula Soares, história para sempre. J'ai reçu ton message vocal, j'ai écouté, j'ai cogité. Tu m'as envoyé plusieurs photos, j'ai regardé. Ma tête a tourné, je roule dans la job, capuché dans la soirée. T'es dans mes pensées, même dans la zone au charbon, j'suis dégoûté. T'es dans mes pensées. Ay, dime por qué, Cazzoli. La vida es así, acá voy a estar. Pero te quiero, solo para mí, solo para mí. Que no soy para ti, las cosas porque son así. Si me permites te doy mi vida, y aunque de tu mundo yo no seré, paso lo que paso te esperaré. Je t'explique ça, t'es que comme un tijuana. Je suis comme un tijuana. Je suis comme un tijuana. C'est comme ça. C'est un amour interdit. Je me sens bien quand je suis enlacé dans tes bras en disant tu vas te quiero. Ay, dime por qué. La vida es así. Pero te quiero. Solo para mí. Solo para mí. Ay, dime por qué. La vida es así. Pero te quiero. Solo para mí. Solo para mí. Yo soy un marido. J'ai passé du temps derrière les barreaux. L'amour tu vois ça se l'a débarré. Comprendo. Quand je veux de ma vida, si tu veux devenir ma Elvira, faudra pas parler de ce qu'on fera. Faudra pas faire que de la policia. Comprendo. Je suis comme un asile qui gâte de mi cuerpo, de mi cabeza. Pero te guardo en mi alma. Sabes que la vida es así. Pero te quiero. Solo para mí. Solo para mí. Ay, dime por qué. La vida es así. Pero te quiero. Solo para mí. Solo para mí. Ay, dime por qué. La vida es así. Pero te quiero. Solo para mí. Solo para mí. Ay, dime por qué. La vida es así. Sim, senhora, uma maravilha. Mais música.

l'entreprise Balza Rénovation Peinture Balza Thomas à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Grani Neiva Indústria de Granitos, Sinalia Neiva Antas Exposin. Um beijo, um muito obrigado a todos, um grande merci a todos. Descobre Portugal através dos seus autores. Percorre cidades, mares e montanhas em cada capítulo. Vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal. Visita Portugal. Mãe querida, mãe querida. E claro que este domingo não podemos esquecer que é a festa de todas as mamãs, mas não é nossa somente neste dia, mas durante todo o ano, não acham? Pois claro, não podemos esquecer aquela mais que tudo que temos a sorte de ter e que continuamos a ter por muitos anos. Entretanto, eh bien, le 30 mai sera la journée spéciale. Pensez à vos mamans et offrez-lui une petite douceur au pays du Portugal. Les établissements Mariano vous garantissent plein de surprises pour enchanter vos mamans. Venez nous rendre visite au 1 rue de l'Homme Gâteau à Semois. Vous y trouverez des cadeaux et plein d'autres choses dans les établissements Mariano pour cette belle occasion. Donc, le groupe Mariano vous souhaite une très très bonne fête des mères à toutes les mamans. Diferente uma entrevista em francês. Como je vous disais tout à l'heure, donc une interview un petit peu différente par rapport à ce que j'ai l'habitude de recevoir dans les studios. Mais aujourd'hui, nous recevons en interview une belle et jeune fille qui chante magnifiquement bien. On l'aura dans quelques petits instants au micro, qu'elle est sur place, elle est venue nous rendre visite et c'est ça qui est super agréable parce que cette pandémie nous interdit de vous voir, mais nous, on aime vous recevoir, y être à vos côtés. Yavanna, et elle va nous chanter tout de suite, tout donner. Ah ouais, ça y est, c'est la fête, nouvelle vie, nouvelle meuf. quitte à tout donner, nous allons tout donner, bien sûr, avec nous, Yavanna. Bonjour. Bonjour, bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. En tout cas, tout de suite, un grand, grand, grand merci d'être passé nous voir. Ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on présente un tout nouveau bébé, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Donc, on va en parler tout de suite. Ouais. Mais pour qu'on connaissent bien et qu'on sache qui est Yavanna, tu vas parler un petit peu de toi et nous présenter donc le tout dernier clip sorti hier, c'est ça? Alors, il n'est pas sorti hier, c'est vrai que la promo se fait cette semaine, donc on en parle beaucoup dans les médias orléanais, mais le clip est sorti début mai, milieu mai, je ne sais plus à force. Tout frais. Donc le titre s'appelle « Possédé ». Et puis, avant d'en parler, je voulais te remercier aussi de me recevoir dans cette période un petit peu difficile. Ça fait plaisir de revenir à Arc-en-Ciel, aux sources. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est ce que je dis souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette pandémie nous empêche, mais effectivement, quand on est bien préparé, quand on a nos masques, on continue malheureusement à vivre avec, mais c'est notre passeport de sortie, il n'y a pas de souci, pour qu'on puisse vous recevoir et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Oui, c'est ça. Yavanna, parlons un petit peu de toi. Qui, quoi, comment? Alors, qui, quoi, comment? Alors, j'ai sorti mon premier album, Ma Réalité, en 2016. Donc, c'est Francky qui a un petit peu lancé, donc Francky sur Arc-en-Ciel, qui a lancé le titre Je suis SOS. Mm-hmm, tout à voilà. fait. Ça a commencé avec Je suis SOS. Et ça a finalement bien marché, ça a été parrainé par Kerry James aussi, le projet. Donc les premiers concerts, etc. Puis après j'ai sorti un album un petit peu plus peaufiné qui s'appelle Retour à l'essentiel. Donc qui lui a dépassé 1 million de vues du coup sur YouTube. Et le dernier album qui est sorti en septembre 2020, donc tout frais aussi, qui s'appelle Étoile contraire. Voilà. Et donc je suis orléanaise. Ouais, des beaux titres. Après, bon, c'est ça plaît ou ça plaît pas. En tout cas, c'est une jolie voix déjà qui nous enchante. Une belle voix qui nous enchante énormément. Et moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Et on a dû se voir, si je me trompe pas, il y a 2-3 ans. Non, sur un plus, concert. Voilà, on avait fait un petit concert en bas, un petit enregistrement qui était assez sympa. Et tu étais présente aussi. Tout à fait. J'aime beaucoup ce que vous faites à Arc-en-Ciel et le soutien des artistes locaux. On a besoin de radios comme vous. Donc, merci d'être là en tout cas. Et de faire tout ce que vous faites pour nous à Orléans. C'est vraiment top. Il faut. Mais on va surtout en parler de Posséder. Ce nouveau titre, oui, qui vient de sortir, ce clip qui est magnifique et qui va dans le but du sujet, un sujet qui peut toucher énormément de personnes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Vas-y, alors, je te laisse t'en parler. Posséder, alors ça fait bizarre parce qu'on ira dans le fond, c'est une autre chanson. Donc Posséder, c'est un titre que j'ai écrit donc qui parle de l'épilepsie parce que je suis devenue épileptique en 2018. Donc, 2016, premier album, et 2018, voilà, la grosse maladie qui arrive, qui me met un frein dans mon élan. Donc, être épileptique, c'est quoi? Donc, je voulais une chanson qui en parle. Je l'ai pas choisi cette chanson, elle arrivait comme ça, elle était 3-4 heures du matin, je venais de faire une crise, j'étais pas bien. Et les paroles sont, arrivées, et je me suis dit, mais en fait, on est en enfer, on est possédé, donc toutes les paroles sont arrivées. J'ai pris le piano, j'ai commencé à la composer, et puis c'est un beau bébé, je trouve, qui a un beau message. Et puis il y a pas beaucoup de personnes épileptiques, on est que 600 000 je crois en France, et c'est un sujet un peu tabou, donc je pense qu'il faut démocratiser. Je pense que tabou peut-être pas, mais pas assez. Connu, il y en a malheureusement, j'en connais, j'avais mon papa qui l'était, et malheureusement c'est comme tu dis, c'est possédé, on se pose des questions d'où sort cette énergie qui nous met à terre, on va dire. Et effectivement c'est peu connu, tabou peut-être pas, mais on n'ose pas en parler parce que ça vient tout simplement au départ d'un malaise, on va dire, et que tout de suite après, c'est l'enfer et c'est la descente facile, on va dire. Mais le mettre en musique, le mettre des mots si cruels et si durs en musique n'est pas facile, surtout pour toi qui le vis. Tout à fait. Bah après, comme je dis, la plupart des titres, je les choisis pas. En fait, ils arrivent dans mon esprit. Donc, bon. C'est ça qui est très compositeur, n'est-ce pas? Ouais, bon, après, voilà, c'est ça aussi d'être possédé par la musique. Hein. L'un couvre l'autre. Voilà, c'est et ça. Et l'un aide l'autre, peut-être? Ouais, bah, sûrement. Ça fait une belle combinaison. Après, quand je dis tabou, c'est que effectivement on n'ose pas trop en parler, mais surtout les épileptiques, moi je le connaissais pas, hein, mais maintenant que je le suis, bah on est voilà, les gens s'éloignent un petit peu de nous quand même. Enfin, c'est très dur de vivre une crise de l'extérieur. Tout à fait. Et même mes patrons, hein, j'ai ma chef qui a vécu plusieurs crises, elle me dit c'est tellement impressionnant, ça lui fait peur vraiment. Donc on sent quand même de l'éloignement autour. C'est pour ça que je dis que c'est tabou, parce que c'est tout à fait. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes et parlons vrai, parce qu'on nous demande souvent de parler vrai, mais parlons vraiment vrai. C'est dommage, et je déplore ça. C'est que à l'école, des tout petits, on leur apprenne pas les premiers gestes, parce qu'il y a des premiers gestes qui peuvent sauver un épileptique, oui. Et qui est bien dommage qu'on leur apprenne pas. Aux plus jeunes, aux moins jeunes, à tout le monde, qu'on puisse savoir comment faire. Et justement, que fait-on? Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. Personnellement, moi, dans ma classe, il y avait une fille qui était épileptique. Je crois que j'avais 16, 17 ans. Enfin, c'était voilà, quand j'étais assez jeune. On va dire ça comme ça. Et, c'est vrai, je vous garantis qu'elle est très âgée. Hein. Quand vous entendez la voix, C'est une petite ans, jeune. Donc, voilà, c'est ans, une c'est plus, petite c'est plus pareil. Jeune. Donc oui, quand j'étais au lycée, il y en avait une dans ma classe et je croyais qu'elle faisait ça en fait juste pour aller à l'infirmerie, pour louper les cours, pour voilà. Donc même moi à cette époque-là, je me disais mais en fait elle fait semblant, la fille c'est pas du vrai. Voilà, je pensais qu'elle suit chez nous vraiment. Et récemment aussi, j'ai rencontré quelqu'un d'épileptique. Donc là, j'étais déjà chanteuse. Et j'ai vu quelqu'un qui faisait une crise et je pensais vraiment que c'était du faux. Et je pense qu'on est peut-être beaucoup à penser ça aussi. Enfin, ça fait beaucoup de pensées. Mais voilà, peut-être qu'effectivement, les gens ils croient pas forcément et donc du coup ils ont pas les réflexes et ils apprennent pas les gestes. Oui, parce que c'est pas quelque chose qui se voit. C'est pas un bras de cassé, une jambe de coupé, donc tant voilà, qu'on voit pas. C'est une maladie qui se voit, c'est. Voilà. On peut être très bien, là, je peux très bien parler avec vous, puis faire un gros bug, et puis d'un coup, je tombe par terre, et je mets tous les micros en vrac, parce que, bah. Tu restes sage. Une dame de pratiquement 1m80 qui fait 80 kilos, bah, quand c'est une crise d'épilepsie, ça devient Hulk. Voilà. Donc. C'est vrai. C'est difficile à tenir. C'est, oui, voilà. Ces premiers gestes qui peuvent sauver et qui peuvent aider quelqu'un. Alors, déjà, éloigner, bah, tout ce qu'il y a autour. Parce que, bah, on convulse beaucoup, hein, donc, et on a une force qui, voilà, enfin. Surhumaine. C'est, voilà, surhumaine, exactement. Donc, éloigner tout ce qu'il y a autour. Et puis, bah, mettre la personne en position PLS et appeler au plus vite les secours. Alors, cette histoire de langue, elle est un petit peu fausse aussi. Moi, j'y croyais. Oui, moi aussi, j'y croyais. Mais et apparemment, non. Cette histoire de langue est un petit peu fausse. Effectivement, on peut se la couper. Moi, à chaque fois, je me coupe la langue. Ça met 2 semaines à revenir et je peux même pas chanter. Hein. Mais on peut pas l'avaler. Enfin, clairement, de ce que j'ai appris par rapport au muscle et par rapport à comment c'est rattaché, on peut pas avaler sa langue. Donc, ça sert à rien de la tenir. Il faut surtout pas mettre les doigts dans la bouche d'un épileptique. Tout à fait. Très déconseillé. Mais le geste qui peut sauver, effectivement, c'est cette position PLS. Voilà. Peu de gens connaissent et qui, effectivement, c'est se coucher la personne sur le côté, la maintenir couchée sur le côté, le bras levé derrière la nuque, voilà. Le genou au sol, n'est-ce pas? Et c'est cette position qui peut sauver et effectivement appeler au plus vite les secours, tout à fait, oui. Tout à fait. Entre-temps, on va passer à la musique. Qu'est-ce D'accord. que tu en penses? Oui, avec plaisir. Ce clip, il a été difficile de tourner? Alors, ce qui a été vraiment compliqué, d'ailleurs, un petit merci à mon Steve d'ailleurs, que j'ai rencontré sur Arc-en-Ciel, c'est grâce à vous que je Steve connais Prod. Steve. Ouais, Steve Prod. Ouais. qui tourne les clips, et puis un autre ami qui a fait la partie drone. Et ce qui a été compliqué dans ce clip-là, c'est le Covid. Ah oui, parce oui. Parce qu'on a tourné au château de Chevilly, mais on a eu 2 heures pour tourner. Voilà, un clip d'habitude vite. pour vous donner un ordre d'idée, un clip, ça se fait aller en 6-7 heures par journée. Voilà. En général, on fait 2-3 jours de tournage, ça dépend des clips. Mais là, Possédé, j'avais un concept dans la tête, vraiment, c'était de décrire une crise en images et en texte. Et quand on m'a dit, t'as 2 heures pour tourner au château, j'ai dit, Steve, va falloir qu'on accélère, qu'on fasse super, qu'on soit super organisé parce que ça va être très compliqué sinon. Donc du coup, on a fait donc 2 heures au château de Chevilly et on a fait 4 heures à l'extérieur du château sous la pluie à moins 5 tout degrés. Tout voilà. Pour. Mais par contre, c'est génial parce que j'ai la lèvre complètement violette sur les images, donc c'est parfait. Ça donne le réel. Ouais, ça donne le réel. Mais en gros, ce clip-là, il a été tourné en 6 heures, voilà. Et comment on le ressent, est-ce que c'est dur ou pas? Moi, j'adore ça, donc je peux pas dire en tout que cas, c'est dur. En tout cas, quand on le voit, ce clip, que je vous invite tous à le regarder, ça démontre. Ça, tu es vraiment dans le rôle, dans le vrai rôle de l'épileptique, et ça donne, ça démontre réellement de ce qu'on vit, de ce que vous vivez. Oui. Et sincèrement, ça nous fait rentrer un petit peu dans la peau tu t'es rentré dans la peau du personnage, mais du tien finalement. Bah, j'ai un peu mis en scène ce qui m'était déjà arrivé. Donc, je vais pas tout vous raconter, mais ça. Il faut aller voir. Voilà, faut aller voir. Ouais, faut aller voir. On fait juste le petit teasing comme ça. Mais effectivement, le clip résume ce qu'est une crise, comment ça se passe dans la tête, comment on a envie d'en sortir, comment on est en enfer en fait, et qui peut nous aider. Voilà, parce que à la fin du clip, on découvre les solutions. Voilà. Et il y en a des solutions. C'est ça que ce que tu disais tout à l'heure, que c'est ce corps lourd qui reste au sol, mais il y a de quoi faire et il y a comment faire. Mmh. Et c'est surtout le plus important. Et ce clip peut aider d'autres personnes, d'autres familles qui le vivent au quotidien. Oui, c'est le plus important. Donc tout de suite, on va passer à la musique. Et écoutez bien et regardez en même temps le clip qui est assez intéressant. Donc Yavanna, ici présente aujourd'hui, qui présente son dernier clip, Possédé. Dans la vue, à te voir te tomber dans la vue. Yavanna, c'est son dernier titre qu'elle nous vient nous présenter aujourd'hui. Très joli. Merci. On est vraiment dedans, quoi, à fond. En tout cas, ouais, super. Après, c'est vrai qu'elle est assez longue, elle n'est pas dans le format. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails de la technicité de ce qu'on nous demande aujourd'hui en termes de production musicale, mais voilà, elle est longue, elle parle de... C'est mon cœur qui a parlé. Donc après, on aime ou on n'aime pas, mais effectivement... C'est comme tout. Là, elle représente bien mon univers et ce qu'il y a dans ma tête. C'est le plus important. On n'est pas seul. Et oui. Papa est là. Tout à fait. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue chez nous. Oui, merci. Tu l'entends bien. Vous accueillir. Voilà, on se rapproche bien pour qu'on nous écoute de l'autre côté. Et justement, il y a une association. Vous allez nous en parler de cette association qui a été créée par vous-même. Alors, on l'a créé tous les deux, en fait, à la base, excuse-moi, je te coupe un peu. Oui. Mais donc, c'est Kaline Production, donc K-L-I-N-E Production. En fait, l'idée, elle est partie en 2012, on va dire ça comme ça. Je voulais monter un studio et puis créer quelque chose qui puisse me labelliser. Donc, j'ai créé Kaline Production. Et récemment, avec mon papa, on a décidé d'étendre en fait ces possibilités-là aux artistes locaux. Donc du coup, on a créé une association Kaline Production pour aider les artistes locaux. Et mon cher papa est président. Voilà. Très bien. Oui, bah, s'il en fallait un. Et puis en même temps, voilà, le président, c'est un petit peu la bonne conscience. Autant que ça soit un papa, parce qu'un papa a la conscience un petit peu plus large. Hein. Les filles ne comprennent pas, mais le papa, il a toujours une conscience plus large. Et puis de protection aussi, n'est-ce pas? Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Et puis bon, je connais un peu le milieu de la musique aussi, parce que étant un ancien musicien dans les années 80, quoi. Mm-hmm. Donc je connais un peu les milieux orléanais. Et puis maintenant, il faut que les gens nous fassent confiance, quoi, pour venir nous voir et puis enregistrer avec Yavanna, quoi. Très bien, une bonne solution, ça. Ben, oui. On va voir. Toujours voir le bon côté. Voilà, c'est ça. Du mauvais, il y en a déjà partout. Donc, toujours voir le bon côté. Oui, mais s'il n'y avait pas de mauvais côté, on ne verrait pas les bons. Tout à fait. Tout à fait. Ben, en tout cas, bravo. Et donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Yavanna et puis Kaline. Pourquoi pas? Bah, si oui. T'as de l'autre côté, tu souhaites te lancer dans la musique et que tu ne sais pas par où commencer. Voilà. Allô, Kaline. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, si vous êtes des artistes locaux, donc vous pouvez me contacter sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ou même par Christina, la radio ou autre. Hein. Tout à fait. On est là. N'hésitez pas. Alors, par contre, je prends effectivement pas tout le monde. Hein. Il y a des candidatures. Je fais des petits castings, hein, parce que il faut quand même un projet réfléchi et abouti pour arriver quelque part. Hein. Tout à fait. Donc, on peut effectivement être artiste. On peut faire des petits trucs chez soi, dans sa chambre, etc. Mais si vous voulez vraiment... Ah, bah souvent, quand on arrive au studio, les choses sont autres. Voilà, au studio, c'est vraiment différent. Donc, je fais des petits castings quand même pour sélectionner. Puis j'ai mon univers. Enfin, j'ai un peu un style d'artiste que j'aimerais produire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Ça peut être sympa, c'est toujours chaleureux de Et pouvoir justement, partager. Comment contacter? Par quel nom? Parce que Facebook, YouTube, tout ça, c'est très bien. Mais quel nom? Alors, Yavanna, Yavanna, et donc par mail Yavanna officiel, donc OFFICIEL@gmail.com. Mais l'idéal, c'est ma page Facebook Yavanna, c'est beaucoup plus simple. Yavanna officiel. Voilà, donc Yavanna tout court sur Facebook, et Yavanna Orléans, ça c'est le profil un petit peu plus personnel, mais c'est un profil uniquement musical. Je ne parle pas de ma vie privée sur les réseaux sociaux. Très bien. Voilà. Après. Et donc on a Léa avec nous. Voilà, il y a une toute petite voix là. Alors, qui parle bien dans le micro. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour Léa, bienvenue. Merci. On débute, c'est ça? Ouais, on débute. Petit à petit, c'est sûr. La guitare, tout ça, c'est tout nouveau pour moi. Nouveau, mais sûrement? C'est sûr. Elle se débrouille bien, déjà. Voilà. Elle a commencé il y a peu de temps et moi, déjà, je crois en elle. Elle a le truc, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui se dégage d'elle. Donc, Un petit début et une petite voix qui commence à se préparer. Oui, j'espère pouvoir aboutir sur un beau projet. J'espère aussi avec Yavanna. Et ben, longue vie à tout ça. Merci. En tout cas, ben, je tiens à vous remercier tous les trois d'être passés nous voir. Et puis, plein de bonnes choses. Ben, merci à toi surtout. Et puis merci à vous également, merci à Léa, merci à mon papa. Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde avec soi. Et voilà, surtout Léa, elle est un petit peu timide là, effectivement. Mais c'est le début. Mais c'est le début. Et puis voilà, c'est une très belle personne. Donc vous inquiétez pas sur les réseaux sociaux et tout ça. Vous la découvrez un petit peu plus dans pas longtemps. On la laisse travailler tranquillement et après. Et après, on refera une petite lumière sur Léa. Aujourd'hui, c'était une première de découvrir l'envers du décor, de ce que les autres, ils écoutent de l'autre côté. C'est plus dur. Ah ouais, j'avais jamais vu à quoi ça ressemblait, une radio, tout ça. Je ne connaissais pas trop ce monde-là. Donc, c'est sûr, c'est agréable de connaître tout ça. Et puis, sincèrement, il faut juste y goûter, parce qu'après, c'est un plaisir. Oui. Et après, on a envie de revenir tout le temps. C'est vrai. Après, t'es comme Yavanna, t'embêtes les radios tout le temps. J'ai fait un nouveau titre, je peux passer. Et c'est ça. Et nous, on attend ça. Et nous, on attend ça de l'autre côté. Oui, parce qu'on n'est pas au courant de tout. Et souvent, on se dit, oh là là, j'aimerais bien des nouveaux. Ah, bah tiens, il y a encore un. Super. Voilà. Et sur Orléans, c'est vrai qu'on a une belle scène musicale quand même. Hein. Orléans est une belle ville artistique qui développe. Hein. Donc, c'est super. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Et puis, c'est pareil de l'autre côté. Si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à partager. Parce que, en fait, je suis indépendante. Donc, j'ai pas de manager, j'ai pas de label, j'ai pas de direction artistique. Donc, si vous ne partagez pas, bah, c'est pas forcément connu. Donc voilà, si vous aimez surtout, aidez-moi aussi. Et puis si vous êtes un professionnel, que ça soit beatmaker ou si vous êtes booker pour des tournées, des concerts ou autre, n'hésitez pas aussi à me contacter avec plaisir. Très bien, un grand merci. Merci beaucoup. Tout plein de belles choses avec cette belle voix, toute douce. Et je souhaite tout plein de bonnes choses, plein de musique à venir. Et que ça marche dans tous les sens. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À très très bientôt. Et on reste effectivement avec Possédé. C'est parti. De moi. briser la glace, on dirait que je fais peur. Ah, bande de rapaces, tant mieux si parmi vous j'ai jamais jamais trouvé ma place. Vous pouvez dire que je suis dingue, que je suis dans mes délires, mais c'est pour ça que je me distingue. Je m'éclate à vous dépeindre, je suis la farce. Quand toi tu fais la dinde, les réseaux s'emparent de toi. Si t'essayes de sortir du lot, je sors sur leur piste, on dit de moi que je suis mégalo. Oh, que je suis trop dans l'ego, que je suis pas une vraie artiste. Et tout ce que je fais sonne faux, mais je suis juste là pour passer un message. C'est pour ça que dans mes clips tu verras très peu mon visage. La critique est aisée, mais je serai en manque d'inspiration si la critique se taisait. À ceux qui parlent dans mon dos, ma lune vous contemple, ma lune vous contemple. À ceux qui parlent dans mon dos, ma lune vous contemple, ma lune vous contemple. Je peux revendiquer le fait que je suis pas un exemple, je suis pas un exemple, non je suis pas un exemple, non. Et si tu parles dans mon dos, c'est que t'es toujours derrière moi. Et ça j'avoue je m'en contente. Petite fille remplie de rêves comme dans une bulle remplie de fièvre, isolée dans son monde entre galère et prise de tête. Une enfance perturbée, la solitude bien trop ancrée. Le jugement tombe, c'est dur de vivre handicapé. La plupart ne comprennent pas, ne font que juger si tu ne leur ressembles pas. Le rejet sera fatalité, comme une facilité pour eux de te désarmer. En plus tu regardes les autres, toi tu combats ta propre santé. Innocenté, je te rassure, c'est eux les coupables. Plus ils te montrent du doigt, plus tes conditions de vie deviennent instables. Instables, mon cœur s'il en est inacceptable, qu'on en devienne la risée. Cette petite fille aujourd'hui a grandi et s'est surpassée. Malgré la maladie, les insultes et les préjugés, la musique un remède, un moyen de me soulager. Car cette petite fille c'est moi, alors je vous laisse me juger. Oh, à ceux qui parlent dans mon dos, ma lune vous contemple, ma lune vous contemple. À ceux qui parlent dans mon dos, ma lune vous contemple, ma lune vous contemple. Que je suis pas un exemple, je suis pas un exemple, non je suis pas un exemple, non. Et si tu parles dans mon dos, c'est que t'es toujours derrière moi. Et ça j'avoue je m'en contente. À ceux qui parlent dans mon dos, ma lune vous contemple, ma lune vous contemple. À ceux qui parlent dans mon dos, ma lune vous contemple, ma lune vous contemple. Que je suis pas un exemple, je suis pas un exemple, non je suis pas un exemple, non. Et si tu parles dans mon dos, c'est que t'es toujours derrière moi. Et ça j'avoue je m'en contente. Ha. E como vos tinha dito há um bocadinho, então continuamos na boa música portuguesa. Claro que foi um prazer ter cá recebido esta lindíssima voz da Ivana. Mas ficamos com mais música e muita música portuguesa. Lá estamos, música. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Escapadinha, foi só um pulinho fora. A farra estava tão boa que até me esqueci da hora. Cheguei à casa de rastos, com tudo bato na breca. Tinha batom na camisa, tinha batom na cueca. O meu barranco caiu, já não pedrei. O meu amor morreu comigo, vou dormir para o galinheiro. O meu barranco caiu, já não pedrei. O meu amor morreu comigo, vou dormir para o galinheiro. Quando andei para o relógio, já era de madrugada. Todo o dinheiro que eu tinha, perdi na mesa do jogo. O meu amor me trocou. Eu fui para a farra de novo. O meu barraco caiu, já não pedrei. O meu amor morreu comigo, vou dormir para o galinheiro. O meu barraco caiu, já não pedrei. O meu amor morreu comigo, vou dormir para o galinheiro. Mas que sorte eu viver tão desgraçada. Nem certeza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada.

a toda a gente por aqui vou começar. Ao som destas brasileiras é um regalo cantar. Ao som destas brasileiras é um regalo cantar. Nossa Senhora da Peneda, que morais na Gabieira. Nossa Senhora da Peneda, que morais na Gabieira. Protege quem cá nos olha para a sua vida inteira. Protege quem cá nos olha para a sua vida inteira. Já pedi a Deus do céu quantas horas me faltava. Já pedi a Deus do céu quantas horas me faltava. Cantava. Tudo o que é bom tem um fim, cantiga vou encerrar. Tudo o que é bom tem um fim, cantiga vou encerrar. Está mesmo bonito. São horas, claro que sim. E vou-vos deixar já na pausa musical, porque a Silvia já cá está. Sim, senhora. Tudo bom para vocês? Um excelente fim de semana com um solinho à porta. Sim, senhora. Tudo bom? Um beijinho muito grande para vocês. E então, até sábado, cá estarei novamente. Beijo grande. E então, aproveitem os melhores momentos da vida. São para ser vividos. Sejam felizes, façam alguém feliz. E até sábado. Beijo. Música bomba. Mas o morenito será que me vai buscar? Yeah, baby, ele vai chegar. Vai agarrar na tua mão, convidar-te para dançar, dançar entre a multidão. O teu corpo colado, mão dele na cintura. Passito, passito, baby, ele não resiste à doçura. E o coração já faz bumbum. Já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. Tu és o amor, só tu tens tudo o que eu precisa. Bonito, bonito, oh, foi o bailarico, oh, que o amor chegou, que o amor